Dossier 6. Livre page 58. Leïla, ça fait une heure que tu es accrochée à ton ordinateur. Tu n'as pas de devoir à faire ? Si, maman. C'est exactement ce que je fais sur Internet. J'ai un projet sur les nouvelles technologies et j'ai aucune idée de quelle technologie je vais parler. Est-ce que tu peux m'aider ? Tu peux choisir l'invention du code barre. C'est quoi, le code barre ? C'est le code qu'on trouve sur des étiquettes collées sur des produits dans les magasins et supermarchés. Il faut le scanner avec un lecteur de code barre pour savoir le prix, le genre ou d'où vient ce produit. C'est difficile, maman. Alors, je te propose de parler des moyens modernes de communication. Par exemple, les smartphones, surtout avec la présence des réseaux sociaux qui ont modifié notre façon de communiquer. Je ne peux pas choisir le sujet des réseaux sociaux car la plupart de mes amis de classe vont parler de ça. Il y a les robots à forme humaine qui peuvent jouer au football, jouer du violon ou même danser. Il y a aussi les drones qui font plusieurs tâches aujourd'hui dans les lieux où l'on ne peut pas arriver. Alors, je vais parler du monde robotique. Merci, maman.